Hello tout le monde et bienvenue dans Devan Retry, le podcast sur le développement de jeux vidéo d'un point de vue professionnel ou presque. Au programme de ce numéro, être joueur et travailler dans le jeu vidéo. Est-ce que c'est toujours aussi fun de jouer quand notre passion devient notre métier? Est-ce que c'est le bon plan pour jouer plus sans se sentir coupable? Est-ce que l'on vit ce loisir différemment des joueurs lambda? Pour répondre à ces questions et à quelques autres, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, comme d'habitude, Guillain. Comment tu vas, Guillain? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Pour les besoins de cette émission, je rappelle que tu es titulaire d'un Bachelor Game Artist et que tu développes en indépendant ton projet de jeu Arashi. Avec nous également Marie, qui nous revient d'où déjà? En fait, je devais aller à Barcelone, mais à la plage, j'étais à Clermont-Ferrand. Est-ce que c'est pas un peu triste? Un petit peu. Marie, je rappelle que tu termines ta première année de master en jeux vidéo et que tu es également la présidente de Corescope qui a sorti Montpellier Discovery l'été dernier. Enfin, je présente notre invité, Tristan Hiller, qui termine sa licence pro jeux vidéo à l'université de Montpellier, qui est actuellement en stage de game design chez DigixArt, qui a sorti 11-11 Memories Retold dernièrement. Comment est-ce que tu vas, Tristan? Ça va, merci. Cool. La licence pro jeux vidéo, ça te rappelle des souvenirs, Marie? Absolument, des bons souvenirs. Formidable. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous l'avez peut-être remarqué, nous n'enregistrons pas dans les conditions habituelles puisque nous ne sommes pas chez Ben, qui n'est pas avec nous d'ailleurs ce soir non plus malheureusement. Nous sommes chacun chez soi à enregistrer l'émission avec nos propres micros, ce qui explique que la qualité audio soit un peu moins bonne, beaucoup moins bonne que d'habitude. Et vous l'avez peut-être également remarqué, il n'y a pas eu d'émission le mois dernier pour cause de problèmes techniques qui expliquent en partie pourquoi on n'enregistre pas avec le setup habituel. L'autre partie qui explique aussi pourquoi Ben n'est pas là ce soir, c'est qu'en cette fin d'année, on a énormément de mal à synchroniser nos agendas et à tous se réunir pour réaliser l'émission. Voilà, on a juste besoin que les vacances arrivent. D'ailleurs, la prochaine émission sera la dernière de la saison, et pour marquer le coup, chacun des membres de l'équipe fera le bilan de son parcours sur l'année écoulée, et l'émission sera ponctuée de quiz et de quelques autres surprises. On va donc passer directement au sujet de ce numéro, sans faire le traditionnel quoi de neuf depuis la dernière émission, qui était maintenant il y a presque 3 mois. Ça laissera d'autant plus de choses à discuter pour l'émission prochaine. Alors, trêve de blabla, c'est parti. Nous allons donc nous intéresser à votre pratique du jeu vidéo. Alors pour qu'on comprenne comment celle-ci a évolué, est-ce que vous pouvez nous dire quel était votre rapport au jeu vidéo avant de faire des études dans ce domaine? Tristan, tu veux ouvrir la marche? Je sais pas, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré d'une manière générale, parce que en fait je pense que c'est la dimension interactive qui m'avait attiré, mais aussi enfin le fait de voir des images en mouvement sur des petits appareils, parce que j'ai commencé avec des consoles de poche en fait, enfin mon frère avait une Game Boy que je lui volais régulièrement, et à partir de là du coup très tôt j'ai commencé à faire du level design tout seul en fait, enfin à essayer de faire des trucs, mais je faisais ça sur papier, c'était tout pourri, mais ça m'amusait quand même de juste faire ça, et du coup je crois que ça a été un petit peu un truc qui m'a motivé tout le long de mes études. Enfin, je savais pas si du level design à partir du moment où tu piquais la Game Boy de ton frère. Alors ouais, c'est un truc. Alors moi je savais pas, et c'est ma mère qui m'a raconté ça quand j'étais genre plus vieux quoi. J'en ai discuté avec elle. Elle m'a dit que quand elle ramenait des, parce qu'à l'époque elle était fonctionnaire chez. Enfin, elle était même pas fonctionnaire. Elle était. Elle travaillait chez. Enfin, ouais, on s'en fout, mais bon du coup. Elle... En fait, ouais, elle faisait des, elle récupérait plein de brouillons, de bloc-notes en fait, et apparemment, je lui récupérais ça. Je volais un peu tout dans cette maison, je crois, et puis je passais mes journées entières à redessiner des niveaux de plateforme dessus. Mais apparemment, j'avais 3 ans, 4 ans. Et, c'est génial. Je faisais ça toute la journée, et je les faisais tester à mon frère. En fait, je lui donnais un crayon et je lui faisais dessiner le parcours qu'il faisait sur les plateformes. T'étais un futur Miyamoto, quoi. Et à partir de là, ouais, je sais pas. Genre, ça a été un petit peu un motivateur, mais c'était très bizarre, je dirais, parce que j'ai jamais... Enfin, pendant longtemps, je savais pas si je voulais faire du jeu vidéo ou si j'aimais, si j'aimais juste y jouer, en fait. Puis, je sais pas. Franchement, quand... C'est le seul mec qui me sort qu'à 3 ans, il faisait du level design. Si c'est ça, c'est pas une vocation. Mais après, bon, c'est ma mère qui m'a dit ça. Je sais pas exactement à quoi ça ressemblait. C'était peut-être pas du tout des niveaux. Mais j'avoue que moi aussi j'ai tiré des yeux assez énormes quand on m'a raconté ça. Il y a de quoi. Tu m'étonnes, c'est assez énorme. Ouais. Est-ce que vous avez aussi des parcours aussi prédestinés, Guillain ou Marie, vers le jeu vidéo? Franchement, moi pas autant. Hein. Je pense que comme tout le monde, quand t'es petit, t'as tes copains qui jouent à la console et tout. Donc toi tu veux une console. Tu tannes tes parents à Noël de tes 8 ans pour qu'ils la commandent au Papa Noël. T'as ta console, mais moi à cet âge-là, je t'avoue que je faisais pas de game design. Hein. J'étais juste avec les copains en train de me taper sur je sais pas quel Tekken ou à jouer à FIFA et découvrir 2-3 Astérix et Obélix XXL2 Donc mais t'étais pas plus quoi. plutôt un joueur comment dire Un grand uniquement public. ouais joueur uniquement jusqu'à est-ce qu'il y a un moment avant de rentrer en études de jeux vidéo où tu as commencé à tester, à t'initier à la création de jeux vidéo par toi-même? Clairement, si tu veux, bah, quand je suis rentré en sixième, j'ai découvert un jeu par navigateur qui s'appelait shinobi.fr. Donc à l'époque, c'était, t'avais l'émergence un peu de Naruto et tout, et c'était un jeu par navigateur RPG qui avait surfé sur la vague. Donc t'arrivais, tu t'inscrivais et tu pouvais créer ton ninja que t'allais faire avancer dans ce monde-là. Et donc j'étais très actif sur le forum de ce jeu-là. Il y avait dans la communauté pas mal de une bonne effervescence sur des idées pour améliorer le jeu, sachant qu'à l'époque en plus l'administrateur qui développait le jeu écoutait vachement la communauté. Donc à partir de là, je suis arrivé sur la partie graphique. Non, d'abord au début, je proposais des petites améliorations en me disant tiens, ça pourrait. Donc je faisais des petits textes, donc des petits topics sur la partie commentaires et suggestions. De fil en aiguille, je commençais de plus en plus à réfléchir à des mécanismes un peu plus complexes et à me scinder avec d'autres personnes pour faire des idées de plus en plus grandes. Et j'ai fini sur la partie graphique du projet essayer d'habiller juste ces idées pour que l'administrateur à l'époque ait juste à se dire bon ben là je fais 3 bouts de code et j'intègre directement tout ce qui a été fait par la communauté. Ah, pas mal. Pardon, Ouais, tu l'as peut-être dit à ce moment-là, c'est moi qui ai loupé. Tu avais quel âge quand tu as commencé ça? Alors j'ai comme à jouer au jeu j'avais 12 ans donc j'ai commencé à réfléchir à des trucs enfin je de 13 ans mais tu vois c'était vraiment réduit. Et après, par contre, j'ai réellement le staff jeu là, donc je devais avoir 14 ans. Après, c'était complètement bénévole, tu vois. C'est j'avais un statut, on va dire, graphiste pour le projet. Et donc, je participais, je faisais pas mal de travaux en pixel art à l'époque. Le pixel art, c'était déjà ta passion. Ouais, non, mais t'as raison, c'est comme ça que ça a commencé. C'est de là où je me suis dit, tiens, vas-y, je vais essayer de créer des trucs un peu originaux, m'améliorer, suivre des tutos. C'est de là que ça part, quoi. Ça part de là. C'est ça. Ok. Marie, de ton côté? Oui, j'ai commencé assez tôt en fait. Tout comme Guillaume, il y avait un jeu sur navigateur qui s'appelait Pew Pews. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent. Oui, Non. je si, si, si, ça me dit Ouais. quelque chose, ouais. Et c'était génial, arrête. Et en fait, on pouvait créer des niveaux sur la plateforme et pour emmener ses Pew Pews à un certain endroit. Enfin, je sais pas si c'était un truc d'un fan ou quoi, mais en tout cas, je sais que je créais des niveaux où il fallait emmener les Pew Pews un peu comme Mario Maker maintenant. Enfin, il y avait des fonctionnalités en moins parce que j'avais 8 ans, donc c'était il y a longtemps. Attends, d'abord, c'est quoi les cultueuses? Parce que comme tu me dis, on dirait des lemmings. Ben c'est voilà, c'est l'idée. Ok, d'accord. Sauf qu'après tu peux voilà, c'était Mario versus Donkey Kong, je crois, le mini-jeu sur DS qui existait de la même façon. Et ensuite, à l'âge de, je devais avoir 11 ans, j'ai commencé à toucher à RPG Maker, Le les toutes fameux. premières versions. Comme tout le monde, je crois. Ouais. Et j'ai fait un et j'ai fait un jeu qui et je l'ai fait pendant 4-5 ans. Et en fait, j'étais sur la fin, j'allais faire enfin ma première build, parce qu'à l'époque, je ne savais pas qu'il fallait build de temps en temps. Évidemment. Et en fait, mon PC a rendu l'âme à ce Oh moment-là. non. Et j'étais jeune, en fait, donc j'étais extrêmement vexée. Bon, il était sans doute très mauvais, il y avait des fautes partout, mais j'ai perdu un peu mon projet à long terme, mon premier projet à long terme. Voilà. Et après, Long j'ai terme à l'époque, recommencé. ça voulait dire quoi? Ça Bah, voulait long dire terme, 2 jours? c'était 4 ans. 4 ans. Bah non, 4 Ah ans sérieux? de. Oui, il avait vraiment une gueule ce jeu. En plus, j'avais commencé le pixel art aussi en faisant mes propres sprites, etc. C'est tellement terrible, genre tu commences à faire un projet qui te tient à cœur pour la première fois et tout, et tu commences avec un crash, enfin c'est chaud. Bah, tu sais qu'après, j'ai eu du mal à me relancer dans un projet à long terme et j'ai abandonné ultra vite pour les mêmes raisons. Je me disais, mais non, mais ça va planter. Mais Il va se passer un truc. c'est à ce moment-là qu'on t'apprend à faire des sauvegardes quelque part. Exactement. Mais en gros, Maintenant, le seul truc j'ai que tu appris faisais, le c'est que contrôle S. tu sauvegardais, mais en fait, tu t'avais pas de build quelque part pour En récupérer fait, l'ensemble de ton taf, c'est ça? Non, mais j'avais des builds nulle part. À l'époque, je savais pas qu'il fallait sauvegarder sur plusieurs périphériques. Je savais pas qu'il fallait faire des builds. Je savais rien du tout. Je faisais ça en autodidacte. Ok. Donc forcément, enfin, j'étais une enfant, quoi. Ouais. Maintenant, il y a à peu près C'était déjà pas 40 mal, PC dans le monde qui ont mes projets. Enfin, tout va bien, quoi. hein. Mais je crois qu'à ce niveau-là, RPG Maker a vraiment épanoui plein de monde. Enfin, ça a rendu accessible, je trouve, beaucoup de choses. Ouais, Mais pour RPG. prototyper, c'est toujours viable. Il y a RPG Maker, c'est effectivement un logiciel par lequel pas mal de gens ont commencé la création de jeux vidéo, sont initiés à la création de jeux vidéo. Est-ce que, cela dit, est-ce qu'il y a des projets commerciaux qui sont sortis avec RPG Maker? Je sais qu'il y en a, Ouais, mais j'arrive To juste the pas à en Moon. citer là tout de suite. Alors, To the Moon. ouais, To the Ouais. Moon, il y a aussi l'Axis Power qui a été mis à 30 euros, je crois, passé un temps, qui avait, il me semble bien marcher, mais je suis pas sûr de ce que je dis, donc je voudrais pas me faire taper sur les doigts par la communauté française d'RPG Maker, que je salue au passage d'ailleurs, parce qu'ils m'ont appris beaucoup de choses. Et ouais, il me semble qu'il y a quand même eu quelques projets commerciaux. Alors, je crois pas qu'il était vendu, mais il y a eu Off aussi qui a très très bien fonctionné. Et qui a même eu le droit, il me semble, à des traductions. Enfin, c'est un gros projet quand même, mine de rien. Ok. Et je peux vous assurer que si mon jeu était sorti, il serait sans doute à 60 balles sur Steam. Ça ne fait aucun Oui, doute. au moins. Est-ce que tu aurais des ventes? Ça, c'est autre chose. Mais bien sûr que Créer des jeux vidéo, c'est quelque chose qui est venu assez tôt et assez naturellement de votre côté. Est-ce que vous envisagez déjà à l'époque de faire carrière dans le jeu vidéo également? Alors, ouais, tu veux peut-être commencer, Marie? Non, non, vas-y, vas-y. Non, vas-y. C'est vrai que, en fait, personnellement, je l'espérais, mais je pensais pas que ça arriverait. Enfin, parce que ça me semblait tellement hors d'atteinte. En fait, on m'avait répété toute mon enfance que il fallait être bon en maths, enfin, il y avait plein de paramètres. C'était limite être astronaute, en fait, quand on m'en parlait. C'était vraiment genre impossible. Et le problème, c'est que, enfin, à l'époque où j'avais commencé à m'intéresser à ça, au niveau des cursus, on me disait, enfin, on me sortait des cursus de graphiste, et on me sortait pas forcément des cursus adaptés parce que c'était encore un peu dans le flou. Genre, c'était soit on te dirigeait vers du dev, soit on te dirigeait vers du graphisme, et puis il y avait cette espèce d'ambiguïté. Genre, alors je sais pas trop. Enfin, j'ai un peu tâtonné, mais vu que j'arrivais pas trop à trouver ce que je voulais dans mes études, j'ai passé tout mon temps libre à faire des jeux de mon côté, à me dire, au pire, si jamais ça marche pas, je pourrais toujours continuer de faire ça. Et finalement, apparemment, ça se profile plutôt bien pour moi, donc je suis content. C'est cool. T'as fait quoi comme études avant d'en arriver Alors, là? du coup, pour les maths, c'était foiré parce que je suis parti sur un bac L. Ok. Derrière, en fait, j'ai enchaîné avec une prépa, enfin une mana, puis 3 ans aux Beaux-Arts, dans lesquels j'ai plus ou moins continué de faire des jeux en autodidacte et où j'ai essayé, en fait, d'en parler avec une approche artistique, enfin de comment est-ce qu'on pouvait l'utiliser pour en tant que support artistique. Et après, du coup, j'ai découvert l'existence de la L Pro à Paulva à Montpellier. Et du coup, genre, j'ai sauté dessus. Et D'accord. c'était Ils ont dû t'apprécier avec tes talents de graphiste. En fait, ça s'est très bien profilé parce que justement, j'avais fait un mémoire où j'avais essayé de poser cette question-là déjà du support artistique et de la dimension artistique que ça représentait. Et du coup, ouais, mais je pense que l'année de la L Pro s'est surtout bien profilée parce qu'elle m'a permis d'acquérir pas mal de culture en game design et même d'une manière générale, en fait, dans toutes les méthodos qui peuvent exister autour de ça, parce que c'est des choses que j'avais pas du tout acquises vu que j'avais travaillé essentiellement solo. Et ça a été un gros plus, je pense. Ça et tout ce qui se passe sur Montpellier d'une manière générale. En plus, la L Pro jeux vidéo, alors Marie et Tristan, vous me dites si je me trompe, mais on est plutôt comme dans la plupart des études universitaires, un peu livré à soi-même, et donc il faut avoir cette envie de créer des jeux sur son temps libre. On n'est pas vraiment tenu par la main pour créer un projet, si. Comment Non, ouais. non, non, mais l'idée c'est ça en fait, c'est que tu fais un maximum de projets en étant un peu guidé forcément, mais il y a beaucoup de choses qu'on apprend en autodidacte. Après, Vincent, j'ai envie de te dire aussi, c'est comme dans toutes les écoles. Si tu veux Ouais. faire des projets avec Je suis avec assez les d'accord, ouais. cours, mais si tu fais rien à côté, en fait, quand tu vas arriver sur le marché, on va dire, le marché de l'emploi dans le jeu vidéo, ils vont te dire, ouais, t'es bien gentil, mais il y en a 15 comme toi qui ont fait le même projet avec la même gueule, et il faut se démarquer en faisant des projets à côté, des projets personnels. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi. Là où je voulais en venir, c'est que dans les études privées, on est davantage pris par la main puisque la pratique a lieu directement pendant les heures de cours au sein de l'établissement. Là où il me semble que c'est moins le cas dans les formations universitaires. pour des raisons de matériel notamment, on est moins suivi, ce qui demande un plus grand investissement personnel pour créer des jeux. C'est exactement ça. Voilà. Ça s'est un petit peu amélioré, c'est-à-dire que cette année on a eu la chance d'avoir des cours sur Unity, enfin on a quand même eu pas ah, mal de... Ah la chance. Oui, je vous le fais pas dire. Non, on et a c'est, vraiment, c'est grâce à nous tout ça. C'est ça, exactement. En fait, c'est parce que, enfin, c'est le gros avantage, je dirais, de ce cursus-là, c'est que les étudiants ont beaucoup communiqué en fait au corps enseignant, et du coup, le corps enseignant de son côté a essayé d'apporter ce qui pouvait manquer, dont, en l'occurrence, étant donné que c'est une formation professionnelle, ils ont apporté de la, enfin, ils ont su apporter de la professionnalisation. Et à ce niveau-là, d'ailleurs, je fais un gros big up à Claire Siegel, qui actuellement est la référente de formation et fait un travail énorme pour faire en sorte que cette formation convienne au mieux aux gens qui la font. Toi, tu vas avoir ta licence. non, mais vraiment, enfin, j'y tiens parce que c'est, enfin, elle a vraiment fait beaucoup à ce niveau-là pour qu'on ait des rencontres pro cette année et tout. Blague, et... Non, mais je sais bien. Mais... Après, voilà, je suis complètement d'accord pour le reste, c'est-à-dire que, enfin, il faut, hésitez pas. Si vous êtes auditeur et que vous aimez le jeu vidéo, faites des game jams, allez-y, faites des projets, ayez pas peur, parce que de toute façon ça sert à rien, il faut y aller. Et c'est ça qui fera la différence derrière, parce que vous aurez ça derrière vous, quoi. Effectivement, on ne saurait que trop vous encourager à participer à des game jams, mais on vous rappelle qu'aucun prérequis n'est nécessaire. Comment est-ce que votre pratique du loisir jeu vidéo a évolué depuis que vous avez mis un pied dans l'industrie ? Bon, on n'a plus le temps de jouer déjà. Mais ça, c'est à partir du moment où tu commences à travailler. Je pense que exactement. Le jeu est vraiment réduit, quoi. Moi, je sais qu'à chaque fois que je joue maintenant, je me dis putain, mais ils sont trop forts ces mecs-là. C'est des génies, putain. Mais après, je passe beaucoup de temps aussi à analyser. Surtout quand je joue avec mes amis, les game designers. On passe littéralement notre temps de jeu à se dire oh là là, mais c'est génial comme feature. Comment ont-ils fait ? Il y a pas longtemps, je me suis fait God of War. Normalement, c'est trop le type de prod sur lequel je suis censé finir, et pourtant, il y a certains moments où je me suis dit, waouh, cette sensation qu'il faut quand tu butes un dragon, quoi, faut que tu te sentes puissant à ce point-là, et après tu te dis, ce que j'ai fait, c'est énorme, et du coup, tu séquences la scène pour te dire, si jamais je dois faire de l'épique, il faut que je le fasse comme ça, quoi. Oui, c'est ça, et ça revient toujours un peu en fond, même si tu adores ton moment tout autant que quand tu jouais avant. T'as un petit fond de « Ah, c'était pas mal, j'aimerais bien le refaire. » Ouais, non, mais c'est ça. Mais en fait, c'est a posteriori, tu séquences de jeu, tu kiffes ta séquence de jeu, et une fois que t'as fini, tu dis « Attends, je vais essayer de décomposer. » Ouais, t'arrives à faire abstraction au moment où tu joues d'éventuelles réflexions de créateur de jeu. En fait, tu fais pas de déformation professionnelle à tout analyser pendant que tu joues. Ça te vient après quand tu laisses toute ta partie se reposer dans ta mémoire et que du coup ton cerveau il réfléchit en tâche de fond, c'est ça ? Alors moi, complètement, sauf si je vais sur un jeu spécifiquement pour chercher certaines features et ou pour analyser de façon concrète, quoi. C'est également le cas pour vous, Marie et Tristan, ou quand vous jouez, il y a toujours cet esprit d'analyse qui est là et qui mouline pendant votre partie et qui peut-être vous empêche d'apprécier par moment le jeu que vous êtes en train de faire, en fait. Je dirais que ça dépend. En fait, c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que des fois, je vais avoir un... Enfin, en général, j'analyse pas pendant, en fait. Enfin, j'essaye de pas le faire parce que je trouve que ça altère beaucoup l'immersion. Mais du coup, ça m'arrive en fait des fois de deviner les choix de design qui ont été faits avant que ce soit le cas. Et ça a été le cas par exemple pour Hellblade, Senua's Sacrifice, que j'avais testé chez un pote. Mais en fait, ce qui m'énervait, c'est qu'à chaque fois que j'avançais dans le jeu, je devinais les patterns qu'il allait y avoir pour les ennemis. Enfin, ça devenait assez frustrant en fait parce que je me doutais de comment est-ce qu'ils allaient le faire. Et ça prenait le dessus sur mon expérience de jeu. Du coup, au bout d'un moment, je me suis juste vidé la tête. Et j'ai juste continué d'avancer en profitant vraiment à fond de l'histoire et en essayant de pas anticiper ce qui allait se passer. Mais en général, j'essaye plutôt de m'éviter ça. Enfin, de... Éventuellement, ça intervient un petit peu sur mes choix en jeu, mais j'essaye de pas le faire. Et une fois que l'expérience de jeu est terminée et que j'ai bien digéré le truc, je reviens sur des trucs qui m'ont intéressé. Et des fois même j'y rejoue, c'est le cas pour un jeu indépendant dont vous avez peut-être entendu parler qui est sorti récemment et dont je bassine tout le monde depuis au moins un an maintenant. C'est Lost in Vivo qui est sorti en octobre dernier. qui a été Je fait connais en, pas. ça a été fait par un indépendant en fait qui s'appelle Akuma Kira, enfin c'est son pseudonyme. Et ce jeu m'a surpris justement parce que je m'attendais à aucun des choix de design qui ont été faits. Et ça veut pas dire qu'ils étaient pas pertinents en fait, mais c'est juste qu'ils étaient tellement inattendus que ça a passé, enfin j'ai passé tout le jeu, je l'ai refait une vingtaine de fois, à pas tout de suite comprendre les trucs, à pas m'y attendre, et du coup ça a été vraiment une bonne surprise à ce niveau-là. Et je pense que la personne qui est derrière l'a réfléchi aussi de cette manière-là, c'est-à-dire je sais ce qui est fait de manière habituelle dans les jeux vidéo, et je sais du coup ce que je ne vais pas faire pour surprendre mon joueur. Et ça, je trouve ça assez habile, ouais. Marie, est-ce que toi, du coup, le fait de connaître un petit peu les codes du jeu vidéo, est-ce que ça casse la magie quand tu joues ou est-ce que ça justement ça renforce ton expérience? Comme je disais tout à l'heure, je suis juste beaucoup trop impressionnée par le travail de la plupart des jeux auxquels je joue. Donc ça m'enlève absolument pas l'immersion. J'adore encore plus jouer à ce moment-là. J'ai remarqué aussi qu'il y avait, enfin, avant j'avais plus de facilité à investir du temps, notamment sur du farm, des trucs comme ça. C'est un truc que j'arrive plus du tout à faire aujourd'hui. Genre, il y a des jeux où il faut farmer, j'arrive plus. Bah t'es pas le seul. Ouais, je suis comme toi. S'il y a du farm à faire dans un jeu, c'est vraiment un jeu que je vais rapidement éliminer, quoi. Vous avez parce que ça ne vous intéresse plus en termes de mécanique, vous voyez que c'est absolument artificiel la plupart du temps, ou est-ce que c'est parce que tout simplement vous n'avez plus le temps maintenant que vous êtes dans les études supérieures ou que vous travaillez, du coup vous n'avez plus le temps pour ce genre de choses, ou bien c'est un mélange des deux peut-être Bah, clairement, c'est, enfin, en fait, c'est une mécanique qui est là pour littéralement te faire perdre du temps. C'est pas quelque chose. Le farm, c'est tu vas passer du temps à faire une action. Et en fait, ça va t'user une certaine quantité de temps à jouer au jeu. Donc, personnellement, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie soit de passer mon temps à m'améliorer sur le jeu, soit à découvrir, soit à faire autre chose. Ben, ouais, je peux comprendre. Après, personnellement, c'était aussi que, enfin, j'avais quand même un fun à genre essayer d'amasser au fur et à mesure, de collecter le truc et tout. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus un fun que je cherche. Genre, je suis plutôt en train de chercher un feedback assez immédiat quand je joue. Et dès que ça implique trop de patience ou trop d'investissement et que je sais que il va falloir, je sais pas, genre des mois pour que j'arrive à avoir la satisfaction du jeu que j'attends. Ça me pose un peu problème si ça a été sur des actions répétitives en fait. Marie, la durée de vie des jeux et le temps que tu passes dessus? Ça a évolué dans le sens où je suis devenue, enfin, j'aime vraiment que les jeux qui sont un peu difficiles. Alors non pas que je suis, oh mon Dieu, c'est difficile, donc j'adore. C'est juste que je prends plus de plaisir quand il y a du challenge. Mais à part ça, au niveau durée de vie, c'est difficile de m'impliquer dans un jeu qui a 60 heures de durée de vie parce que j'ai pas le temps. Mais enfin, je dis ça en faisant Dark Souls 2 en ce moment. Du coup, bon, je suis pas Audacieux. sûre de mon coup, c'est ça. Mais ça me perd un peu de l'immersion parce que je suis toujours en train de couper mes sessions de jeu pour aller travailler. Voilà, donc après ça me donne quand même pas envie de faire des petits jeux parce que j'aime vraiment bien enfin des jeux avec des bons lores. Donc ça a pas tant changé que ça, on va dire. Enfin, pour les gens qui pensaient que travailler dans le jeu vidéo, ça laissait plus de temps pour jouer, je pense qu'ils ont compris que c'était pas le cas. Et d'ailleurs, est-ce que généralement vous arrivez à terminer vos jeux ou pas? Je te parlais de God of War, toi, bah là, je m'en suis arrêté juste à la scène décrite, mais ça se Ah, t'as pas encore fini God of War. Non, Et j'ai toujours pas fini. tu penses que tu vas le finir? Tu prévois de le finir, genre, sous peu, ou tu vas t'arrêter là? Je sais pas, après je prévois de le finir. C'est le jeu est assez prenant Ouais. pour que je me dise que je vais le finir, mais après clairement tous les jeux je ne finis pas. Marie, Tristan. Bah, d'une manière générale, j'ai l'impression que, enfin, de toute façon, je joue à moins de jeux, mais j'ai tendance à plus les finir, ouais. En fait, si les conditions me permettent de le faire, c'est-à-dire si le jeu implique pas, genre justement, de devoir trop m'investir, ou c'est pour ça d'ailleurs qu'en général, je me penche plutôt sur des jeux narratifs. Mais en général, je joue à moins de jeux et je les finis plusieurs fois. Parce que j'aime bien, une fois que j'ai fini une histoire, en fait, la refaire. Parce qu'il y a souvent des trucs que je suis pas sûr de comprendre et que j'aime bien revenir dessus. Du coup, par exemple, cet été, j'avais eu le bundle avec Oxenfree qui était gratuit. Enfin, il était pas gratuit, mais il a coûté genre 1 €. Donc, à ce prix-là, c'est gratuit. Et Oxenfree, j'ai dû le faire 4-5 fois facile. Parce que le jeu était relativement court. Et ça, c'est justement le bon côté de ça. C'est qu'un jeu court, tu vas pouvoir plus facilement y rejouer plusieurs fois. Ça permet d'avoir plusieurs sens de lecture, plusieurs façons de jouer, tu sais. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de jeux où je me retrouve face à des choix d'interaction ou des trucs où je me dis, ah mince, j'ai pas eu le temps d'aller voir ça, ou ah, j'ai pas eu le temps d'aller au bout de ce niveau. Enfin, c'est des détails, mais des fois, j'ai tendance à pas voir des trucs et j'aime bien pouvoir y revenir aussi pour ça. Du coup, j'essaye de finir moins de jeux, mais de les finir plusieurs fois pour en profiter, quoi. Je calculais pendant que Tristan parlait, j'ai 7 jeux en cours. Donc on va dire que j'ai pas le temps de les finir. Mais c'est parce que j'ai envie de prendre mon temps, de pas être en mode bon, je travaille ou je joue, je travaille ou je joue. Non, j'ai envie de prendre le temps et d'explorer les jeux jusqu'au bout, quoi. Mais après, peut-être la question c'est est-ce qu'on n'a pas le temps de les finir ou est-ce qu'on veut finir? Non, mais c'est ça en fait. C'est tout simplement, est-ce que vous avez cette habitude de finir vos jeux ou pas et pourquoi? Donc, la réponse que toutes les réponses que vous m'avez données, c'est répondre à la question. Personnellement, j'aime bien le format épisodique qui permet d'atteindre un générique de fin en une seule soirée de jeu. À une époque, en tout cas, j'avais plus de facilité à me mettre sur un jeu qui durait 15 heures mais qui était découpé en plusieurs parties qu'un jeu qui durait 15 heures sans interruption. Après, l'épisodique, c'est un peu à double tranchant, je trouve aussi, parce qu'il y a... y a ce côté, genre, enfin, je sais que moi, des fois, ça me frustre si j'ai pas réussi à aller à la fin de mon épisode. Et je sais que ça a été le cas pour Stories Untold. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont fait. Je l'ai pas encore fait. Non. Alors, dans ces grandes lignes, c'est un jeu de base textuel, qui est assez cool, en fait, dans lequel il y a des histoires qui vont être, enfin, qui vont avancer justement à l'aide de saisies textuelles que vous allez entrer vous-même. Et plus vous allez entrer de choses, et plus vous allez en apprendre sur l'histoire. Et c'est fait justement avec plusieurs épisodes. Et il y avait des fois où je galérais vraiment à trouver quelle, parce que du coup c'est en anglais bien sûr, et il y avait des fois où je galérais à trouver l'action précise que le jeu attendait de moi. Et même si d'une manière générale il est assez malléable, ça m'est arrivé d'avoir des moments où j'étais juste coincé et où j'avais juste pas envie d'abandonner parce que j'étais au milieu de mon épisode et que j'avais pas envie d'arrêter avant. Et du coup je me suis retrouvé comme un crétin jusqu'à 5 h du mat à me battre avec le jeu parce que je voulais finir mon épisode. T'as pas craqué pour aller voir les solutions. Et non, parce que je n'aime pas du tout, mais alors vraiment pas du tout voir les solus, parce que pour moi c'est, enfin pour moi c'est soit dans ce cas que je suis vraiment bloqué et que je crois que je suis face à un bug et que j'arrive pas à retourner en arrière, soit c'est que j'en ai marre et si j'en ai marre, ben je préfère arrêter le jeu que d'aller voir une solution. Carrément, d'accord. En fait, je suis ce genre de joueur qui se réveille au milieu de la nuit et qui dit, putain, si je faisais ça pour tuer le boss. Ah ouais, c'est un peu radical quand même. Et ouais, mais mine de rien, ça a aussi énormément changé mon rapport au jeu, ça. Parce que c'est quelque chose que j'hésitais pas à faire quand j'étais plus petit, d'aller voir des solus. Parce que voilà, vu que je suis jeune, j'ai eu la chance très tôt d'avoir accès à des solus qui nécessitaient pas d'acheter 3000 magazines pour pouvoir trouver la bonne astuce. Oh, ça va, quand Et même, on est tous plus ou moins nés avec Internet. mais on a, mine de rien, c'est quand même une chance parce que justement, ça donne une accessibilité justement quand on est bloqué et tout. Mais j'avoue que ça a aussi changé mon expérience de jeu d'arrêter de faire ça, parce que j'avais vraiment pris le réflexe de le faire dès que j'étais bloqué. Et je me rends compte que ça c'est vraiment plus sympa des fois de juste lâcher prise, de partir et de se dire ah mais j'ai pas du tout essayé ça et de revenir sur le jeu et de se rendre compte. Alors soit que ça marche pas pour le coup. Je pense que ça aussi c'est un truc que le fait d'avoir commencé à faire des jeux, mais enfin d'avoir plutôt continué d'être dans l'industrie. M'a apporté, c'est que du coup, je me dis, enfin, je finis toujours par me dire, ok, c'est juste que là, pour l'instant, j'ai pas compris le choix de design qui a été fait, donc je pourrais revenir dessus, et quand je l'aurai compris, peut-être que ça sera ça, peut-être que ça sera pas ça, mais en tout cas, je vais essayer. Et ça, c'est vrai que du coup, ça a un petit peu aiguisé mon regard là-dessus, et je pense que je suis peut-être plus indulgent aussi avec certains jeux où je me disais, ah, oh, c'est juste mal fait parce que je comprenais pas. Quand j'étais plus jeune, et genre maintenant, avec le recul, je me dis d'accord, je comprends comment ça a été pensé. Alors, je suis pas forcément d'accord, mais je comprends comment ça a été pensé, et j'aime bien me dire, ok, qu'est-ce qui a été fait derrière, quoi. Ouais, tu vois le jeu vidéo comme une affaire sérieuse, du coup, alors qu'à une époque, tu aurais pu, si ça t'avait pris la tête, si t'y étais pas arrivé, tu aurais passé en regardant une soluce. Là, Voilà. tu essayes de comprendre la chose et pour y parvenir par toi-même, en fait. C'est ça. Et puis, je peux pas m'empêcher de me dire, même si des fois c'est mal fait tout. C'est rare que je trouve ça vraiment mal fait, mais j'aime bien me dire, d'une manière générale, peut-être qu'au fond, genre quelque part dans les tréfonds de la jungle new-yorkaise, il y aura un designer qui sera content que je l'ai trouvé sans soluce. Alors Marie, tu nous as dit que tu avais 7 jeux en cours. Est-ce que tu ressens le besoin professionnellement de jouer un maximum de jeux? Alors en fait, je me sens pas du tout obligée, mais des fois, je me force pas. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui me disent « Ah, t'as joué à ça ?» et que je suis « Non. T'as joué à ça ?» Non plus. Et ça, putain, c'est énorme. Et ouais, je connais pas du tout. Et je me sens un peu désemparée. Je me dis, waouh, je dois louper des trucs au niveau du design. Après, je suppose que j'en fais suffisamment pour pour avoir une idée globale de ce qui marche, enfin, de ce qui marche ou pas. Là, n'est pas la question, mais de ce qui est bon à faire. Uh-huh. Après, finir les jeux, si, je vais les finir les 7. Le truc, c'est que j'en commence beaucoup parce que je joue souvent avec des gens à côté de moi. Et j'ai commencé avec plein de gens différents aussi. Jouer solo, ça m'arrive extrêmement rarement. Et la question, c'était quoi déjà? Excuse-moi. Est-ce que tu ressens ce besoin du coup de jouer à beaucoup de jeux différents? Ouais, donc la réponse est oui, pas quand les gens m'en parlent et que je me sens à la ramasse. Et sinon, pas tant. Pas tant. D'accord. Tristan mmh. Est-ce que tu voilà, jouer à plein de jeux différents, est-ce que c'est un objectif que tu te donnes pour te tenir un petit peu au courant de ce qui sort, savoir de quoi les gens parlent et comprendre surtout de quoi ils parlent, ou est-ce que tu... ou pas? Bah, je dirais que c'est un petit peu l'inverse, en fait. Enfin, genre, j'essaye de me renseigner quand même sur ce qui se fait, genre, ouais. Mais je joue pas forcément... Enfin, maintenant, je joue plus forcément au jeu, enfin, ça m'arrive de juste regarder genre des vidéos de gameplay d'un jeu, et en général je joue à un jeu que quand je regarde une seconde du jeu ou que j'en entends parler, je me dis ah ça m'intéresse, je veux y jouer, je veux voir comment c'est et je veux le découvrir par moi-même. C'est le cas pour c'est des jeux qui sont sortis surtout en indépendant ces derniers temps. Ça aussi c'est un truc que je fais beaucoup plus maintenant, mais je suis plutôt revenu à de l'indépendant d'une manière générale. Après, ça va de personne tout seul dans sa cave à triple I, mais d'une manière générale, j'ai tendance à moins aller vers des jeux à grosses sorties commerciales et très très rattachés à l'industrie. Et c'est pas forcément parce que ça m'intéresse pas, mais c'est plutôt parce que... Enfin, c'est pas parce que le jeu en lui-même m'intéresse pas, mais c'est plutôt qu'en termes de gameplay, je sais que je vais pas forcément trouver du neuf, enfin quelque chose qui me tease vraiment, quoi. Ça, c'est pas forcément le cas. Il y a des jeux qui ont vraiment réussi à se donner de la pêche et tout et à être dans l'industrie, mais d'une manière générale, il faut que soit graphiquement, soit en termes de design, j'ai un coup de cœur et que je me dise, ok, non, ne m'en dites pas plus, je fonce dessus, je veux aller le voir. Mais du coup, ouais, non, je limite un petit peu plus mes jeux en général. Mais est-ce qu'il n'y a pas des jeux que vous vous sentez malgré tout forcé de faire ou d'avoir fait parce que tout le monde en parle, parce que ce sont des classiques Alors si je me sentais forcé à chaque fois qu'un de mes collègues me dit « Ah mais t'as pas joué à ça, franchement c'est énorme, niveau gameplay c'est fantastique, c'est novateur, si t'y joues pas c'est que t'es pas un bon game designer ». Le nombre de fois où on m'a dit ça. non, et puis surtout qu'on m'en donne un nombre incalculable, au final... Quand j'ai envie de jouer à un jeu, c'est souvent un style de jeu. Par exemple, comme tu disais tout à l'heure, un jeu narratif. Je tape jeu narratif sur Google, ensuite je regarde un peu la tête qu'a le jeu et j'y joue. Souvent, c'est des jeux indépendants. Tout à l'heure, je citais Dark Souls, c'est carrément un jeu indépendant, c'est bien connu. Non, mais les trois quarts des jeux que je fais, c'est des jeux aussi des gens de Montpellier qui les ont fait. Donc, c'est toujours un plaisir de jouer aux jeux des collègues. Mais non, je me sens pas forcément forcée par ce type de phrase un peu cliché. En tout cas, il y a un jeu, tous nos éditeurs, il faut qu'ils jouent, c'est Pipours. Voilà, si t'as pas joué à Pipours, voilà. Bon, comment ça t'as pas joué à Pipours? Attends, design formidable, on adore. Voilà, c'est un jeu, voilà, si vous avez des amis qui n'ont pas joué à Pipours, vous les emmenez, vous faites Orange Mécanique et puis... Voilà, et puis c'est parti. Écoutez l'épisode de Devon Retry sur la Global Game Jam 2019 pour savoir de quoi on parle. Guillaume, toi, est-ce qu'il y a des jeux voilà, que tu as fait parce que tu t'es senti forcé de les faire ou pas? Bah, franchement, les seuls auxquels j'ai été forcé de jouer, c'est dans mes études Artifice, où il y avait les profs de game design, donc à l'époque Guillaume Benoît, qui en fait nous avait envoyé en première une liste de jeux auquel on devait jouer, pour avoir des référents. Mais le truc, c'est qu'il y a vraiment certains jeux, donc je les ai lancés, j'ai essayé d'y jouer, mais c'était des jeux souvent début des années 90, et c'est là que tu te rends compte qu'il y a vraiment certains jeux qui ont mal vieilli. Et je comprends la démarche de se dire, faut, enfin, quand tu travailles dans ce domaine-là, que c'est bien d'y avoir joué pour comprendre un peu comment ça marchait. Mais en même temps, je regarde avec le regard de toute l'industrie qui a évolué, cinq yachts qui ont complètement changé. Et de me faire jouer, de me forcer à jouer à ces jeux-là, tu sais, c'est comme me dire bah là, tu fais un jeu de cassette aujourd'hui et faut que tu m'expliques pourquoi il marche pas. C'est un peu le. Je sais pas si c'est très clair, c'est un truc à raconter. Jouer à un jeu vidéo, pour vous, ça doit quand même rester un plaisir, et donc vous, voilà, même si vous travaillez dans l'industrie, etc., toutes les expériences dans le jeu vidéo sont bonnes à prendre, et donc vous prenez celles qui vous tentent de base, et vous ne vous forcez pas à prendre d'autres qui pourraient vous faire passer un mauvais moment pour un résultat qui serait pas forcément plus intéressant que ça, quoi. Bah clairement. Après, on parlait de jeux plus vieux. Moi, c'est un truc que j'ai commencé à refaire, je crois, depuis que j'ai commencé à m'approcher de l'industrie. C'est rejouer à des jeux auxquels j'ai joué quand j'étais petit, genre, je pense à la série de FIF 1 et 2, qui ont été faits par Looking Glass. C'est des jeux que je connaissais pour... Enfin, à l'époque, je les connaissais pas en tant que tels, mais comme référence de Steve Game, en fait. Et je me les suis refait récemment. Et à ma grande surprise, je m'attendais à me retrouver justement avec des systèmes qui hyper vieillissants et tout. Et ça a vraiment été une bonne surprise. Et du coup, à la suite de ça, j'ai commencé à refaire plein de vieux jeux auxquels je jouais. Genre par exemple, j'ai refait de Sierra King's Quest VIII, Mask of Eternity, qui était un jeu que j'avais adoré quand j'étais gosse. Alors lui, il a salement vieilli en termes de caméra et d'ergo, mais par contre, j'ai quand même retrouvé des assez bonnes surprises en fait et des idées de design que je pense pouvoir enfin que je trouve qu'il serait intéressant de réadapter de peut-être de remodeler aussi pour un public qui est plus le même et pour des interfaces qui sont plus les mêmes non plus mais je pense qu'il y a des éléments à piocher mais enfin pas à resservir en tant que tel en fait c'est peut-être aussi un problème avec certains jeux récurrents c'est qu'on a un peu ce côté plat réchauffé enfin je sais que moi c'est quelque chose qui me bloque vachement, c'est que quand j'ai l'impression qu'un jeu apporte pas plus que des mécaniques que je connais déjà, j'ai tendance à mettre un peu une hola et genre j'ose pas me lancer dedans en fait. Enfin, ou alors j'ai du mal des fois à me lancer dedans. Et à Après, l'inverse. Non, non, non, vas-y, si je t'en j'allais prie. dire juste ton expression de plat réchauffé, ça me fait penser un peu comme dans le monde de la musique où t'as un DJ tous les 20 ans, il arrive, il reprend une musique d'il y a 20 ans et il te la remixe et c'est le nouveau tube de l'été, quoi. C'est un peu cet aspect-là, si tu vas chercher dans les vieux jeux certaines mécaniques que tu vas remix pour les intégrer dans un nouveau jeu et ça va faire Mais waouh, la ouais, mécanique de folie. complètement. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui. Enfin, c'est vraiment un public qui existe et tout. Enfin, il y a des gens qui vraiment enfin s'attachent à ce genre de mécanique et à qui elles conviennent très très bien. Et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est plus ce que je cherche quand je joue à un jeu vidéo aujourd'hui, par contre. Je voulais vous demander également, est-ce qu'il vous arrive de faire un break avec le jeu vidéo? Est-ce que vous en avez parfois marre? Est-ce que vous faites des vacances avec ce média-là? Des vacances Pendant un certain temps, vous y touchez plus, vous voulez plus en entendre parler, vous jouez beaucoup moins que d'habitude. Est-ce que ça vous arrive? Toujours en termes de contraintes de temps, surtout, parce que c'est. On en revient toujours à la même chose. C'est que quand t'as fini ton travail et tout, alors c'est un truc qui est formidable parce que le jeu est censé être un loisir, mais des fois j'ai la flemme de lancer un jeu parce que, par exemple, si c'est The Witcher, je sais que c'est un monde ouvert, qu'il y a plein de trucs à faire et que je vais devoir me dire bon, il faut aller vers cette quête et ça va durer longtemps. Et pour toutes ces raisons-là, je fais un break et là, c'est ça va faire. Là, j'ai recommencé à jouer, mais j'ai eu un break de 6 mois quand même où j'ai abandonné mes 7 jeux en cours. Terrible vie qui m'a fait du bien et maintenant, quand je suis sur un jeu, mais ça me fait trop plaisir. Donc c'était un peu nécessaire pour pouvoir me recentrer sur mon travail ou ce genre de truc. C'est-à-dire que tu étais un petit peu découragé par l'ampleur des choses que le du contenu, l'ampleur du contenu qui t'était proposé dans le jeu et que tu savais que tu n'avais pas le temps vraiment de faire et donc tu t'es dit c'est trop pour Ouais, moi. c'est ça, ben c'est ce que tu disais tout à l'heure, un RPG, si j'ai envie d'en profiter, si j'ai envie de connaître le jeu, il faut que je fasse les quêtes annexes, parce que sinon je perds beaucoup du jeu, c'est dommage. Et puis j'aurais peut-être la flemme de retourner dessus et de tester les quêtes, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais pas mal de jeux au monde pas ouvert justement. Ça m'a fait ça avec Breath of the Wild où j'ai dit non mais c'est bon, je le ferai aller dans 10 ans parce que tout le monde m'a dit mais tu sais il est immense ce jeu, il y a trop de trucs à faire. Je fais justement les gars, il y a trop de trucs à faire. Oui, à la retraite, ça c'est une putain de bonne idée. Espérons que ça existe encore quand on aura l'âge. Mais il sera directement dans mon cerveau à ce moment-là. mais oui, du coup, ces breaks sont parfois nécessaires pour mieux profiter après, pour ma part. Après, je ne sais pas pour vous. Mais alors, toi, si je comprends bien, c'est des breaks un petit peu forcés. C'est que sur le moment, quand même, tu n'as vraiment pas tellement le temps de jouer à des jeux vidéo, à te plonger dans un jeu vidéo riche, mais seulement dans des expériences courtes. Et donc, du coup, c'est pas que tu n'as pas envie de jouer, en fait, c'est que tu n'as pas le temps réellement. C'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est une histoire de temps. Et j'ai toujours envie de jouer. T'as toujours envie de jouer sinon? Surtout un Pokémon. D'accord. Tristan? Ouais, je sais pas, je suis assez d'accord avec Marie. Enfin, c'est important de se faire des moments où tu lâches un petit peu, tu lâches ton jeu. Parce que, enfin, après, pour moi, c'est comme tout support culturel, en fait. Il y a des fois où juste, enfin, t'as regardé trop de films, t'as lu trop de livres. Enfin, il y a toujours un moment où t'as besoin de passer à autre chose. Et en général, ça m'arrive justement à des moments où je suis bloqué dans mes jeux, ou alors j'ai juste pas envie d'y jouer. Et du coup, je vais faire autre chose. Et puis à un moment, je vais me dire ah, purée, ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça. Ou ah, je vais trouver d'un coup une idée de solution à un jeu sur lequel je suis bloqué. Et du coup, je vais y revenir. Mais avant, j'avais pas cette limite-là. J'ai l'impression qu'il y avait une époque de ma vie où c'était limite systématique, en fait, c'est-à-dire que je rentrais chez moi, je jouais au jeu. Et je pense que c'était lié au fait que, enfin, j'avais pas la chance à ce moment-là d'en faire un peu mon quotidien. Et du coup, genre, c'était justement un côté hyper récréatif, genre je rentre chez moi, je peux jouer au jeu, enfin, c'est cool. Et maintenant, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire je me dis, mais j'en ai plus besoin à cette quantité-là. Enfin, j'en ai plus, j'ai vu que je peux bosser dessus toute la journée, bah y a pas de souci entre guillemets, genre. Je peux genre me dire bon bah c'est bon là je me fais une pause, j'arrête de faire ça. Mmh. Du coup ça aussi ça a changé je pense, ouais. Cette sensation dont tu parles, tu rentres chez toi, tu fais ah enfin je peux jouer. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas eu. ouais non mais ça me fait super bizarre aussi. Ouais. Il y avait vraiment ce côté, genre je sais qu'il y avait des moments où quand j'étais en cours, quand j'étais genre au collège ou au lycée, il y avait des moments où je me disais bah de toute façon je m'en fous parce que je vais rentrer chez moi et je vais jouer à mon jeu et ça sera très bien. Et ça, c'est un truc que je fais plus trop, quoi. C'est te lever avant d'aller à l'école. Ah, oui. Pour jouer ouais, tout à ton petit jeu sur ta Game Boy, non, ça n'existe plus. Ça. Et genre, je te lève pile à l'heure. Non, c'est que t'as oublié de te coucher. Ouais, des fois, c'est un petit peu ça aussi. Mais en vrai, ça, c'est un truc aussi que j'ai recommencé à faire depuis peu. C'est-à-dire qu'avant, je jouais beaucoup aussi sur console portable, genre j'avais tout le temps ma Game Boy Advance SP sur moi, puis ma Nintendo DS. Enfin, j'ai pas arrêté de les prendre avec moi. Et en fait, depuis peu, j'ai récupéré quelques vieilles consoles, notamment ma Game Boy Color, en fait, que j'utilise pour en tant que tracker pour faire de la musique. Et du coup, j'ai genre, en gros, enfin, pour résumer très brièvement, genre, je m'en sers en mettant une cartouche qui est refaite, en fait, qui est truquée, qui s'appelle LSDJ, en fait, qui me permet de faire de la musique 8 bits à partir de ma Game Boy. D'accord. Et en fait, génial. en réutilisant ma Game Boy, j'ai re-eu envie de lancer des jeux de Game Boy Color dessus. Et en fait, j'ai ressorti toutes mes vieilles Game Boy, donc j'ai pu récupérer la Color, la Advance SP, et j'ai pu récupérer aussi une Nintendo DS Tank. Et en fait, des fois, quand je m'ennuie, que j'ai rien à faire, mais que j'ai pas envie de me prendre la tête à jouer sur un gros jeu PC ou genre jouer sur gros écran, bah je prends juste un vieux jeu que j'ai bien aimé, genre Wario Land 4 ou des jeux comme ça. Je les lance et je joue pendant une petite demi-heure, une petite heure. Et je me refais. C'est des jeux que j'ai dû les faire des dizaines de fois dans la voiture avec mes parents, mais c'est très drôle parce que j'y joue plus du tout de la même façon. Mais j'en profite autant en fait parce que je les redécouvre en fait, mais pas du tout pareil. C'est super drôle. Guillain, ça t'arrête de faire des breaks avec le jeu vidéo aussi ou? Bah, des breaks avec le jeu vidéo en général, pas vraiment. C'est plutôt des breaks avec un genre de jeu en particulier où là je me dis bon vas-y là j'en ai marre de ce truc là donc je vais arrêter et je passe sur autre chose. Ouais. Mais après de toute façon j'ai jamais eu une consommation de jeux vidéo, enfin de temps de jeu excessif quoi. C'est plus, par exemple, je regarde beaucoup plus de séries, je traîne beaucoup plus sur YouTube que ce que je joue aux jeux vidéo. Mais non, du coup, j'ai jamais vraiment fait de break, en fait, j'en ai jamais eu besoin. D'accord. Après, chacun... chacun son... Non, mais c'est très bien. Chacun son addiction, quoi. D'accord, d'accord. Mais alors, du coup, tu l'évoquais, Tristan, quand tu... Enfin, tu ne joues pas tout le temps aux jeux vidéo, tu fais de la musique... En quoi est-ce que c'est important justement de varier ses activités et de ne pas faire que du jeu vidéo? Alors, bah, pour moi, c'est une histoire de tête dans le guidon aussi. C'est-à-dire que je trouve qu'on profite moins d'un contenu quand on en mange 24 heures sur 24. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti quand j'ai commencé à faire du jeu. C'est-à-dire que tu as cette impression que pour faire du jeu, il faut faire du jeu. En fait, ça n'a aucun sens dit comme ça. Enfin, c'est peut-être pas hyper clair, je sais, il est tard. Mais en fait, je pense que c'est important de partir du principe que comme n'importe quel support, le jeu, il n'est pas né de rien, en fait. Et il est lui aussi dans un contexte qui est pas que culturel, mais qui est aussi justement de tout ce qui nous entoure, quoi. Et du coup, des fois, genre, je trouve que c'est plutôt cool de dire, justement, quand t'as pas la solution à ton jeu et que t'arrives pas à avancer, peut-être que c'est vraiment du détail, mais genre juste ne plus y penser, aller faire une promenade ou aller voir des gens, pour une raison X ou Y, ça va te faire penser à un truc, et tu vas dire « Ah mais attends, j'ai pas testé ça ». Et ça peut sembler être du détail, mais même dans la conception d'un jeu, ça a son importance en fait, parce que quand tu prends ce recul-là, tu vas avoir des nouvelles idées au niveau de tes choix, que ce soit graphique, que ce soit en termes de level. Et je sais que même quand je bossais sur mes propres jeux, en indépendant, des fois, quand j'arrivais plus à faire en sorte que mon niveau soit à la hauteur de mes attentes et que ce soit genre, qu'il y ait suffisamment de trucs intéressants dans le level pour qu'on ait envie d'aller jusqu'au bout, juste j'arrêtais de le faire et j'allais faire autre chose. Et quand j'avais une idée, je l'incrémentais et je disais, on va voir ce que ça vaut. Mais je pense que c'est vraiment important d'entrecouper en fait pour pas se. Juste s'en dégoûter, quoi. Enfin, c'est vraiment une question de perception, tu vois. Comme y a des gens qui peuvent vraiment genre continuer genre à en bouffer tout le temps et qui seront jamais lassés, mais moi je sais que j'ai vraiment besoin de ces moments de rupture. Ouais, t'as besoin de faire des pauses, quoi, comme voilà. Mais je fais pas la tête aux jeux vidéo, j'aime le jeu vidéo de toutes mes forces, mais c'est cet amour, tu sais, où des fois il y a besoin de petites pauses. Et pour pouvoir y revenir de manière plus fougueuse encore. Oh, ouais, c'est beau ce que tu dis. Ouais, Marie, Guillaume, est-ce que vous avez quelque chose à apporter là-dessus aussi? Non, pas... Non, bon... Marie. Rien pour rebondir. De même. Ok, je vais compléter. Comme tu l'as dit, Tristan, l'inspiration peut venir de n'importe où. D'ailleurs, si la légende est vraie, c'est en faisant des excursions en grotte et en passant du temps à examiner les insectes dans son jardin qui ont inspiré Zelda et Pokémon et Miyamoto. Dernièrement, j'ai même entendu une graphiste, Aline Krebs, que je salue, dire que des associations de couleurs qu'elle avait employées lui étaient venues en regardant des plats dans Masterchef. Donc c'est dire que l'inspiration ne connaît pas de frontières, mais vous avez aussi besoin de faire d'autres activités parce que le jeu vidéo ne peut pas se nourrir que de jeux vidéo. Vous avez besoin d'avoir des connaissances et des compétences dans d'autres domaines pour enrichir les projets sur lesquels vous travaillez. Et puis ça peut même être un facteur d'embauche si vous prenez des cours dans un stand de tir par exemple et que vous postulez pour bosser sur un FPS, ça peut clairement jouer en votre faveur. Dans l'industrie du jeu vidéo, en principe, tout le monde s'y connaît en jeu vidéo. Donc toute expertise autre que vous pouvez apporter sur un projet ajoute de la plus-value à votre profil. Voilà. Et j'ai une dernière question pour vous, Marie, Tristan et Guillain. Jouer à des jeux ou en créer, est-ce que vous avez une préférence? Pourquoi choisir? Quand on peut faire les deux, autant faire les deux. Ah mais j'accepte, hein, j'accepte. Moi, je crois que j'ai une petite préférence pour la création, malgré tout. Ouais. Ouais, parce que j'ai l'impression de jouer à des jeux, surtout quand je fais de l'animation, je sais pas. Et en fait, mon jeu, c'est mon personnage, il doit sauter, mais il doit sauter bien. Et du coup, ça me fait mon propre jeu, donc j'ai l'impression de faire les deux. Bon, après, tu trouves quand même pas les mêmes choses quand tu joues à un jeu que quand Écoute. Tu crées. Tu pourras jamais avoir la découverte d'une histoire quand c'est toi qui crée l'histoire. Après, moi, je travaille souvent en équipe sur des projets, et quand j'écoute des gens parler, des fois, je vis des histoires incroyables. J'ai des amis forcément talentueux, je pense, c'est pour ça. Mais j'ai des gens qui m'ont appris, enfin, qui m'ont donné des histoires quand on voulait inventer un jeu, mais j'étais émerveillé, quoi. Ah oui, mais ça, c'est sûr. À partir du moment où, ouais, c'est pas toi qui l'as fait, quoi. Je dois avouer que pour moi, l'un va pas sans l'autre, en fait. C'est-à-dire que. Je pense que j'arriverai pas à créer des jeux. Enfin, je veux dire, à la base, c'est les jeux qui m'ont donné envie de créer des jeux. Et je pense que je pourrais juste pas, en fait. Enfin, ça a aucun sens en soi. Enfin, c'est vraiment pas la même façon de le faire non plus. C'est-à-dire que je joue pas forcément aux jeux que je crée, du coup. Enfin, à part quand je les teste. Et c'est dommage, hein. Bah après, c'est. Enfin, disons que. Je pense que c'est aussi parce que j'aime bien le côté genre il y a un temps où je me dis ah super j'ai une idée je vais la créer parce que je l'ai pas vue ou parce que j'ai envie de la faire et il y a un temps où je me dis maintenant c'est à mon tour de profiter de ce qu'ont fait les autres et en fait je le vois un petit peu comme un espèce de tu sais c'est un peu comme quand t'es avec des copains et puis tes copains ils font de la guitare et puis toi tu dis bah vas-y je vais prendre mon kazoo. Et ça marque une suggestion, c'est... mais si alors, tu veux. J'explique comme ça en fait parce que genre il y a toujours quelqu'un qui joue bien de la guitare et moi je joue très mal du kazoo. Mais sais pas ce que c'est que le kazoo en fait. C'est vrai, tu sais pas ce que c'est que le kazoo. C'est le petit bonhomme en mousse joue c'est... au kazoo. C'est le truc le plus connu. Quoi. C'est un petit instrument en fait qui est fait en alors je veux pas dire de bêtises mais c'est du métal en fait qui est genre mis en enfin fait de manière à ce que le son fasse un petit une espèce de vibration quand tu dedans, enfin quand tu es le dedans. Cette explication est formidable. c'est très compliqué, mais genre franchement, voilà. Là, tu me le décris, c'est un sifflet dans ma tête. C'est un peu un instrument troll, hein, honnêtement. C'est un sifflet, mais c'est un sifflet où tu. Enfin bon, c'est pas très important, mais. Ok, d'accord. Tout ça. Parce qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que peu importe le support créatif, en fait, je vais avoir un temps où je profite des créations des autres parce que ça me semble hyper important et parce que je veux pas imiter ce que font les autres. Mais juste, j'ai juste envie de profiter de ce qu'ils ont fait, de me dire « Ah, ça, c'était marrant » ou « Ah, bah ça, j'ai moins aimé, mais voilà. » Et il y a ce moment où je me dis « Bon, allez, maintenant, c'est mon tour de jouer du kazoo, du coup, de casser les oreilles de tout le monde. Mais peut-être qu'à la fin, il y aura quelqu'un au fond de la table qui dira « Bah, moi, j'ai adoré le kazoo. C'était vraiment pas mal. » Et j'aime bien ça. J'aime bien l'idée de me dire « Bon, bah voilà, je participe à un ensemble de créations. » Et puis, on regarde un petit peu comment ça fonctionne, quoi. Finalement, on s'échange nos idées de jeu, quelque part. C'est la soirée des comparaisons. Voilà. C'est les métaphores, car il est très tard. C'est plus facile que de trouver les bons mots. Mais comme c'est beau, mais on est obligé de terminer là-dessus, là, on pourra pas faire mieux. on peut pas repartir sur autre chose, maintenant. Ah, mince. tu voulais repartir sur autre chose, Guillaume? Non, on va devoir se dire au revoir. Hein. Ah bah oui. Bah, et oui, il est temps, Guillaume. Il commence à faire tard maintenant, il est presque minuit. Ouais. Avant de se quitter, peut-être que chacun d'entre vous a quelque chose à partager. Voilà, une actualité ou tout simplement ses réseaux sociaux ou le retrouver. On commence par toi, Guillaume. Non, on va passer à Marie. Marie qui envoie la balle à Tristan. Bonjour. Tristan, à toi de jouer. Okay, j'ai les bien. Chroniqueurs les plus secrets de tous les podcasts du monde. Hein. Bah alors, si vous voulez checker un petit peu mes jeux, alors ça vaut ce que ça vaut, mais je peux vous conseiller de tester Under the Bed, qui est un petit peu mon bébé en termes de jeux vidéo indépendants, rigolos que j'ai fait. Donc vous pouvez le trouver sur ma page itch.io. Donc vous pouvez chercher Camelot, Khamelot. .itch.io. Si jamais vous voulez me parler en temps réel, bah surtout n'hésitez pas. Genre, je suis méga ouvert et j'adore discuter avec des gens. Donc vous pouvez me trouver sur ma page Twitter aussi. Donc c'est pareil, Khamelot avec un underscore à la fin. Voilà, n'hésitez pas à venir me voir, je mords pas, promis. On n'y manquera pas. Et ben heureusement qu'on a Tristan qui au moins lui a des choses à dire pour l'autopromo. Bon et toi Vincent alors? Ah alors oui moi, alors moi j'ai peur de me porter malheur en le disant mais ça y est j'ai enregistré les nouvelles vidéos de l'étudiant JV. Oh. Elles sont enregistrées depuis quelques semaines, maintenant il me faut le temps de les monter. Alors ça devrait sortir d'ici la fin du mois de mai, mais j'ai peur en disant ça qu'il se passe un truc genre ça va pas se faire du tout. Mais voilà, en principe ça d'ailleurs, ça devrait, ça... oui Guillain. Ah bah oui.